il va se prendre une droite de mal avec ses photos pour s'en mêler. Un putain truc de télé, les persos ça finit mal et ça sur sa musique préférée. Rapa, ça vomit à quatre pattes. Bagarre, il a vomi sur des sabbats. Et celui qui fait le zap, j'envoie une balayette. Et dès que j'en prends 7 et il me reste ma calabre, hein. Le meilleur du succès, mon poteau, je l'escalade. Viens, passe pas très loin, logiquement, je rétrograde. J'arrive dans ta boîte, toutes tes meufs, elles regardent. Boutique d'histoire avec le boudin, les sabbats. Ma meuf, j'en ai plus, donc je vais finir rabattre. Et là, je suis défoncé. Je finis la gueule, je vais m'ambiancer. J'ai même plus, je dirais bien danser. Là, tu fais vrai, je dirais bien danser. En vrai, je n'aime pas danser. Je fais pas parce que je suis trop défoncé. Et c'est pas. À la sortie de la boîte, ça peut se planter. Samedi soir, donc ça finit toujours en sales histoires. Jusqu'à que se lève le jour. Samedi soir, donc ça finit toujours en sales histoires. Jusqu'à que se lève le jour. Au début, ça sent bien en scène. Ça finit toujours mal, y'a l'ambulancier. J'ai vu la fille qui dansait. Mine de rien, elle sait se déranger. Elle danse comme Beyoncé. Fin de soirée, tout le monde est die, ouais. Je peux pas rentrer dans les détails, mais y'a le DJ qui se taille, les mecs bourrés qui se tapent et les tapettes qui retaillent, ouais. Fin de soirée, tout le monde est fauché. Tout claqué en boîte pour finir à mocher. Il a croisé son ex, manque de peau, y'avait son mec. Il aurait pas dû la rivaucher. La joliette, poteau, je danse le nu, poteau. Y'a un coup de bol, si t'es vite le coup de couteau. Même pas de poteau, je refuse pas de photo. J'ai les yeux plissés, je suis dans la boîte, Toto. Je suis dans la boîte, Toto. Y'a un petit regardeur, c'est bizarre, mais tout, je bombarde. Ouais, je bombarde.